le sang. Vas-y monte le sang. Y'a un bruit, j'descends. Je vais te mettre une leçon. Je viens de sortir l'album. Y'a beaucoup d'absents. Serre-moi un verre d'absinthe. Serre-moi un verre d'absinthe. Paranoïaque. Je fais des crises au mic, on se trouve pas le sommeil. Insomniaque. Va dire à l'assassin qu'il me faut mon oseille. Dans le check, les flics ont faim, te font des prises de sommeil. Moi, faut que je me casse. Depuis que je suis dans le game, gros, évite le sommet. Et ça y est, vous êtes balayé. Viens pas me sucer, t'es pas mon allié. Je suis venu dans le rap comme un alien. 135 balles dans le baril. J'suis plein de soucis. Go, j'ai pas la tête à me marier. Avant quand je rappais, presque ça riait. T'as vu, c'était sur moi qu'il fallait parier. Wesh, les gros ont des boules, donc des cales, cales. C'est pas le gros si tu parles au deck, deck. Dès qu'on est en face, t'es tout pâle, pâle. Ils te servent à rien, tes gros pecs, pecs. Et vas-y, casse-toi de là. Et vas-y, passe-moi le mic. Et vas-y, casse-toi de là. Et vas-y, passe-moi le mic. Que je fasse des dégâts, toi t'es qui, je te dégomme, je te kill en deux-deux. Toi t'es comme ces fils d'up qui me laissent des coms à des kilomètres. Vois leur vis, gros, ils sentent pas bon comme le com. Homme, je le suis, je le reste. Y'a mon sang qui tourne dans la tête. Je peux pas retourner la veste. J'suis toujours au check, j'ai pas changé d'adresse. T'as vu l'instru comme je m'agrissais. En plus, j'suis pas pressé, j'prends tout mon temps comme le père du matin. Faut l'apprécier, c'est tout ce qui lève d'une messe qui se balade chargée. Qui cherche une mise à charger. Tu parles de calage, mais t'es qu'un mytho. J'suis que le calibre, tu me peux le charger. Qu'est-ce qu'elle a mis? J't'ai dit que j'ai plus de cœur. Arrête de me casser les couilles. Ça y est, les filles, je les connais par cœur. Elles peuvent graver ton nom sur une douille. Arrête de faire l'andouille, douille, douille. Quand je rappe, t'as la trouille, trouille, trouille. C'est pour mon poteau qui est en col. Parce qu'il s'est fait péter à la fouille, fouille, fouille. Tu veux me baiser? Mais comment, gros? J'suis ton poteau, moi qui t'envoie des mandats. Qu'on me dise, j'monte un commando. Et j'arrive à Skyrock pour faire un attentat. Comme Bob on se rempart, pas parce que j'ai fait du buzz que je fais le zampa. Je le répète on s'en tape, je vais tout niquer sans faute. Je dors sur un lit sans là, tu peux pas trahir mon pote. Je mens pas, faire le mec me la péter, je me sens pas. J'essaie d'aider mes frères qui font les sympas. Parce qu'à ça me dit que tu restes en cellule, tu descends pas. Combien j'ai galéré pour payer ma paire de Nike. Je suis resté des années à rapper devant le mic. Arrête de faire le mec, arrête de jalouser, va sur ma page et mets un like. Mets le roof en baisse pas, ça met le momo. Là j'ai Chris Tech, like Vizy et Momo. Quand y'a du Joule, fais péter la sono. Avis aux boycotteurs, allez niquer vos morts. Qu'est-ce que tu parles mal, mal. Après, quand tu me vois, tu deviens tout pas le pâle. Oui, j'ai des balles, des rafales de balles. Des gros dents, je leur cale. Parce qu'à quand traite, que c'est putain, ils parlent. Et putain, moi j'aimerais planer. Comme mes potos condamnés. Même les matons, ils m'écoutent. À ce qui paraît, je suis attendu comme un colis de fin d'année. Voilà. Mais tu me fais quoi là? Même si on t'entend plus, j'avais dit qu'il fallait pas trop se frotter à moi. Qu'est-ce que t'as le sang? Vas-y, monte le son. Y'a un bruit, j'descends. Je vais te mettre une leçon. Je vais sortir l'album. Y'a beaucoup d'absents. Serre-moi un verre d'absinthe. Serre-moi un verre d'absinthe. Et qu'est-ce qu'il y a le sang? Vas-y monte le sang. Y'a un bruit, j'descends. Je vais te mettre une leçon. Je vais sortir l'album. Y'a beaucoup d'absents. Serre-moi un verre d'absinthe. Serre-moi un verre d'absinthe. Je vais tous les quiller. Je vais tous les quiller. Ouais, je vais tous les quiller. Je vais tous les quiller, je vais tous les quiller, je vais tous les quiller, moi je vais tous les quiller, vite, vite tous les quiller, je vais tous les quiller.